Allahu Ahad. Là, c'est quelqu'un d'autre qui rapporte, il dit, j'ai vu l'imam al-Bukhari dans une janaza. Il suivait un convoi funéraire. Et il y avait avec lui Muhammad ibn Yahya al-Zuhali, qui fait partie des chouyours de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire al-Bukhari, il a rapporté de cet homme qui s'appelait Muhammad ibn Yahya al-Zuhali, qui était un des grands ulama du hadith. Et il a dit, celui qui raconte l'histoire, j'ai vu al-Zuhali, c'est lui qui posait des questions à al-Bukhari sur al-Asma ou al-Ilal, c'est-à-dire sur les noms des rapporteurs de hadith et sur les Ilal. Les Ilal, c'est le pluriel du mot illa, c'est les défauts entre guillemets qu'on peut trouver dans un hadith qui n'est pas authentique, comme le fait que la chaîne elle soit coupée, etc., etc. Et al-Ilal, dans Mustalah al-Hadith, ça désigne quelque chose qui est subtil. C'est-à-dire, en apparence, l'isnad il est sahih, mais en fait il y a un défaut dedans, mais pour le voir, il n'y a que les grands ulama du hadith qui le voient. Donc ça c'est dans le domaine des sciences du hadith. J'explique ça pour qu'on comprenne sur quoi il est en train de le questionner. Donc al-Zuhali questionnait l'imam al-Bukhari sur les noms des rapporteurs du hadith et sur les défauts qu'il y a dans les chaînes de transmission du hadith. Et il dit, le rapporteur, il dit al-Bukhari, quand il parlait, il était comme une flèche. C'est-à-dire il débitait à toute vitesse, comme s'il récitait Qul huwa Allahu Ahad. Sachant que c'était pas préparé. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que là, il lui pose des questions sur des hadiths. Des hadiths, il y en a des centaines de milliers. Et il lui dit, voilà, tel hadith, tel rapporteur, son nom, etc. Tel hadith dans sa chaîne de transmission, etc. Et al-Bukhari débitait comme s'il récitait Qul huwa Allahu Ahad. Et c'est son cheikh qui lui pose des questions. Rahimallahu ta'ala. Ensuite, il a dit un autre chapitre. Donc, je vous rappelle que ce qu'on lit ici, ce sont les paroles de Ibn Hajar al-Asqalani au début de Fath al-Bari. Dans l'introduction de Fath al-Bari, qu'il a intitulé Hadyu Sari, il a mis à la fin Sirat al-Imam al-Bukhari, c'est-à-dire la biographie de l'Imam al-Bukhari. Donc, moi, en fait, ce que je vous lis, c'est des passages que j'ai choisis de ça. Donc, il a dit Dhikru fada'il al-jami'i sahih siwa ma taqaddam fil fusul al-oula wa ghayriha. Il a dit donc, ce chapitre c'est sur les mérites, les qualités de Al-Jami' al-Sahih, c'est-à-dire le livre al-Sahih de l'imam al-Bukhari, autre que ce qui a été déjà cité. C'est-à-dire qu'au début du livre, Hadyu Sari, Ibn Hajar rahimahullah, il a déjà parlé du Sahih, c'est-à-dire du livre Sahih al-Bukhari. Il a parlé du Sahih, de combien de hadiths il y avait dedans, de l'authenticité, du degré d'authenticité des hadiths, comment il l'a écrit l'imam al-Bukhari, etc., etc. Mais là, il va répéter, comme il parle de la biographie de l'imam, il va répéter un peu certaines de ces choses. Donc, il a dit notamment, قال الفربري سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعن البخاري قال صنفت الجامع من 600 ألف حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah disait, quand j'ai composé al-Jami' al-Sahih, donc c'est-à-dire son livre Sahih al-Bukhari, qu'on appelle habituellement Sahih al-Bukhari, avant de décrire un hadith dedans, c'est-à-dire avant de faire le choix d'y mettre un hadith, il faisait les ablutions et il priait deux rak'ah, c'est-à-dire qu'il faisait l'istikhara pour chaque hadith, par hésitation, pour être sûr qu'il ne met dans son livre que le Sahih. Et il disait aussi, et je l'ai composé en piochant dans 600 000 hadiths. Et je l'ai composé en 16 ans. Il a mis 16 ans pour le composer. C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas d'écrire des hadiths les uns après les autres. Non, c'était une sélection et aussi l'ordre des hadiths. Donc il a dit, j'ai mis 16 ans pour le composer et je l'ai composé en piochant dans 600 000 hadiths différents. Et je le prends comme un argument entre moi et Allah. Il a dit Hujjatun bayni wa bayna Allah. Parce qu'il faut savoir que al-Sahih, le Sahih de l'imam al-Bukhari, il fait partie des livres dont l'auteur a décidé de ne mettre que du Sahih dans son livre. Parce que quand on regarde les livres de hadith, il y a plusieurs sortes de livres. Que ce soit de la façon dont ils sont faits et que ce soit aussi au niveau de l'authenticité du livre. Donc parmi les livres de hadith, il y a des livres où l'auteur n'a choisi de mettre que du Sahih. c'est-à-dire il consacre son livre aux hadiths sahih, aux hadiths authentiques. Donc parmi eux, les plus connus, c'est qui? C'est l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et c'est même plus ou moins les seuls qui ont rempli réellement cette condition. C'est-à-dire ils ont dit qu'ils allaient mettre dans leur livre que du sahih, et effectivement dans leur livre il n'y a que du sahih. Et certains savants ils disent aussi qu'on peut compter quel livre à votre avis avant ça? Al-Muwatta. Parce que certes Al-Muwatta de l'imam Malik rahimahullah, il y a beaucoup d'asanides qui sont coupés. C'est-à-dire l'imam Malik, et dedans il y a ce qu'on appelle Al-Balarat. Il dit par exemple Balarani An, il m'a été transmis d'un tel, et c'est quelqu'un qui ne l'a pas rencontré. On appelle ça le Balarat. Et le Balarat, c'est daif, puisque c'est coupé. La chaîne, elle est coupée. Il y a beaucoup aussi Al-Marasil, des hadiths mursal, c'est-à-dire quand un tabi'i rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, c'est coupé. Mais il se trouve que les Marasil et les Balarat qui sont dans le Muwatta, certains savants les ont recherchés en dehors du Muwatta et les ont trouvés ce qu'on appelle Mawsoul, c'est-à-dire ininterrompu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait qu'en fait le Muwatta il est également rempli de sahih, ou en tout cas en grande majorité en tout cas. Et après il y a d'autres savants comme vous le savez, comme Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, qui ont consacré leur livre au sahih, mais ils n'ont pas rempli réellement cette condition dans leur livre. Ça enregistre. ثم قال قال الفربري سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قبره والبخاري يمشي خلفه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est certains salaf, certains parmi les gens du hadith et les ulama qui racontent des rêves qu'ils ont fait à propos de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc ça c'est des choses qu'on peut prendre comme une bonne nouvelle, parce qu'on sait que le rêve du croyant il est véridique. Donc là c'est al-Farbari qui dit j'ai entendu Najm ibn Fudayl qui était min ahli al-fahm, c'est-à-dire parmi les gens de science et les gens doués de compréhension, il dit qu'il a rêvé la nuit et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir de sa tombe et marcher. Et il a vu derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'imam al-Bukhari, et quand le prophète levait son pied, l'imam al-Bukhari posait son pied en marchant là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé son pied. Donc c'est un rêve qui exprime le suivi, comment l'imam al-Bukhari était sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Abu Zayd al-Marwazi yaqul qala kuntu na'iman bayna ar-rukn wal maqam فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي فقلت يا رسول الله وما كتابك قال جامع محمد بن إسماعيل. Un autre homme, Zayd al-Marwazi, raconte, il dit je dormais près de la Kaaba et j'ai vu en rêve le prophète صلى الله عليه وسلم. Et il m'a dit ô Zayd, jusqu'à quand tu vas étudier le livre de l'imam al-Shafi'i et tu n'étudies pas mon livre? Et il lui a dit, ben c'est quoi ton livre? Et il lui a dit, c'est le jami' de l'imam de Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ensuite, قال Abu Ja'far al-Uqayli, لَمَّا صَنَّفَ الْبُخَارِيُّ كِتَابَ الصَّحِيحِ عَرَضَهُ عَلَى ابْنِ الْمَدِينِ وَأَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلْ وَيَحْيَى ابْنِ مَعِينِ وَغَيْرِهِمْ فَاسْتَحْسَنُوهُ وَشَهِدُوا لَهُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثِ قال العقيلي وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْبُخَارِيُّ وهي صحيحة. العقيلي رحمه الله تعالى disait lorsque l'imam al-Bukhari a écrit son livre al-Sahih, il l'a exposé à Ali ibn al-Madini, Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in. Donc ces shuyukh et les imams du hadith et de ilm al-Rijal wa al-Jahh wa al-Ta'dil. Donc il leur a exposé et wastahsanu, c'est-à-dire ils l'ont trouvé excellent et ils ont dit qu'il était sahih tout entier sauf 4 hadiths. Et l'Uqayli dit mais dans ces 4 hadiths entre eux et le Bukhari, c'est le Bukhari qui a raison et ces 4 hadiths ils sont authentiques, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas authentiques, ça veut dire qu'eux les trouver les autres ont trouvé de quoi discuter sur ces quatre hadiths. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas authentiques. C'est-à-dire que eux ont dit ça. Mais c'est l'imam al-Bukhari qui avait raison. Donc il faut savoir que l'imam al-Bukhari, son livre, c'est le livre dans lequel il y a le moins de hadiths sur lesquels les gens ont discuté. Parce que l'imam al-Bukhari, son livre al-Sahih, il est obligé d'un consensus. Toute la communauté, quand on dit la communauté, bien sûr, ça veut dire les ulama, et bien sûr les ulama du hadith, puisque c'est eux qui sont concernés, sont d'accord pour dire que le livre de l'imam al-Bukhari est sahih. Mais il y a des savants qui ont discuté certains hadiths et qui leur ont trouvé des défauts. Surtout, par exemple, le plus connu, c'est l'imam ad-Darqutni, rahimahullah ta'ala. Mais comme on a dit, premièrement, il y a le consensus de la communauté. Et même dans les hadiths qui ont été discutés, l'imam al-Bukhari, son livre, c'est le livre dans lequel il y a le moins de hadiths qui ont été discutés. Donc ça montre son authenticité. Et quand on compare, les savants, ils ont été jusqu'à comparer le nombre de hadiths que certains ont remis en doute dans Sahih Muslim et le nombre de hadiths que certains ont remis en doute dans Sahih al-Bukhari. Il y en a moins dans le Bukhari que dans Muslim. Et les savants, ils ont été jusqu'à compter combien il y a d'hommes, de rapporteurs sur qui on a parlé dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Et il y en a moins dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire que Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique au niveau du hadith et dont les rapporteurs sont les plus fiables. Parce que même si certains de ces rapporteurs, il y en a qui ont parlé sur eux, mais ce n'est pas toute personne sur qui on a parlé qui est mauvaise. Parce que dans Al-Jahh wa Ta'dil, au niveau des rapporteurs du hadith, certains savants divergeaient. Donc certains pouvaient le considérer mauvais, mais ne pas ramener d'arguments. Et les autres le considéraient comme bon. Donc quand je vous dis des rapporteurs sur qui on a parlé, ça ne veut pas dire des rapporteurs qui sont rejetés. Ça veut dire simplement le simple fait que sur lui, il y a quelque chose de négatif qui a été dit. Mais sans pour autant que ça entraîne qu'il ne soit pas fiable. Eh ben, si on prend ce critère, Sahih al-Bukhari, c'est le livre où il y en a le moins. Il y a le moins de rapporteurs sur qui on a dit quelque chose de négatif. Donc en fait, le Sahih, on pourra en parler plus longtemps. Et là, il aurait fallu piocher dans le début de Hadi al-Sahri. Mais plus ou moins, qu'est-ce qu'on peut dire sur Al-Jami' al-Sahih? Comme on l'a vu, c'est que l'imam al-Bukhari, il a mis comme condition dans Al-Jami' al-Sahih de ne mettre que du Sahih, que de l'authentique. Que du hadith qui est fiable, sur lequel on peut se reposer. Et sa condition, elle est élevée. C'est-à-dire la condition qu'il a imposée pour mettre un hadith dedans, c'est la condition la plus dure dans tous les livres de hadith, au niveau de la chaîne et au niveau des rapporteurs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on a vu le nombre de hadiths à partir desquels il a sélectionné son sahih et le temps qu'il a mis et la précaution qu'il a mis pour le composer. Ensuite, Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire là je ne lis plus dans le livre, donc je vais, plus ou moins j'essaie de vous ramener des informations de ce que je connais sur Sahih al-Bukhari, ce qu'on entend des chouyoukhs, par exemple pour les arabophones, ceux qui veulent beaucoup écouter sur ces choses-là, connaître les livres du hadith, etc. Je vous recommande d'écouter Abdel Karim al-Khudayr, parce qu'il parle beaucoup de ça, des hadiths, des livres, et c'est intéressant de connaître. Parce que quand on entend toujours Rawah al-Bukhari, c'est bien, mais il faut, si on connaît c'est qui le Bukhari et c'est quoi son livre, c'est mieux. On comprend, là on comprend ce que ça veut dire Rawah al-Bukhari, rahimahullah. En fait, le livre Sahih al-Bukhari, c'est pas une simple compilation de hadiths, contrairement à beaucoup de livres. Dans le sens où l'imam al-Bukhari, il en a fait autant un hadith, un livre de hadith qu'un livre de fiqh. Dans la façon dont il a composé son Sahih, dont il a mis l'enchaînement des chapitres et les titres qu'il a mis avant de mettre les hadiths, en fait ces titres ils indiquent, et son enchaînement il indique de la science et des informations et des choses à retirer des hadiths. Donc le but de son livre, c'est pas simplement de mettre des hadiths les uns après les autres, de compiler des hadiths. C'est un livre à étudier pour en profiter, pour pouvoir appliquer ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que les savants disaient fiqh al-Bukhari fi tarajimi. Le fiqh, la science de l'imam al-Bukhari, se trouve dans les titres de ses chapitres. Donc le titre du chapitre indique souvent comment on doit comprendre le hadith qui suit. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, donc on parlait de l'enchaînement du Sahih, il a commencé le Sahih avec Bad'ul Wahi, c'est-à-dire le commencement de la révélation. Ensuite, avec Kitab al-Iman, parce que l'Iman, c'est la première chose chez le musulman, c'est la Shahada. Donc il a mis Kitab al-Iman. Ensuite, il a mis Kitab al-Ilm. Et ensuite seulement, il a parlé de la Salat. Et il a mis tout ce qui concerne la purification, la Salat. Et ensuite, il a enchaîné avec les cinq piliers d'Islam et le Fiqh. Et il y a aussi d'autres sujets, comme le fait de s'accrocher à la Sunna, et aussi le Tawhid à la fin de son livre, avec les hadiths qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et des sifat, c'est-à-dire des qualités, des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son livre, de ce point de vue, il est complet. C'est pour ça qu'il l'a appelé Al-Jami'. Al-Jami' parce qu'il concerne tous les sujets de la religion. C'est pas que sur le fiqh. C'est pour ça qu'il l'a appelé Al-Jami' al-Sahih. Ensuite également, il faut savoir que les hadiths de l'imam al-Bukhari dans son Sahih, ils ne sont pas tous semblables. Dans le sens où, il y a des hadiths qui sont la base de son livre. Et quand on dit le Sahih de l'imam al-Bukhari est complet et complètement Sahih, on parle de ces hadiths-là. C'est les hadiths qui sont ininterrompus, dont la chaîne est ininterrompue, de l'imam al-Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hadiths-là, ils sont tous sahih dans son livre. Et il y en a à peu près 2000, ou un peu plus, entre 2000 et 3000 dans son livre. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle al-mu'allaqat. Qu'est-ce que c'est al-hadith al-mu'allaq? C'est le hadith dont le début de la chaîne est enlevé. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, il ne cite pas son cheikh et peut-être parfois même les cheikhs qui sont au-dessus. Par exemple, il va dire قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. Est-ce que l'imam al-Bukhari a rencontré Abu Huraira? Bien sûr que non, puisqu'il a vécu des siècles après. Il n'a pas rencontré Abu Huraira. Il n'a pas même rencontré ceux qui ont rencontré Abu Huraira, ni même ceux qui ont rencontré Abu Huraira. Donc le début de la chaîne, il est enlevé. On appelle ça mu'allaq. Et l'imam al-Bukhari, il en a mis plusieurs centaines dans son livre, des hadiths qu'on appelle al-mu'allaqat. Donc au singulier on dit al-mu'allaq, accroché, ça veut dire en français suspendu, hein, suspendu. Donc c'est une image, en fait ils ont appelé ça, c'est comme s'il était suspendu parce qu'il manque le début de la chaîne, donc ils ont appelé ça mu'allaq. Donc ces hadiths là si on revient aux sciences du hadith, est-ce qu'un hadith mu'allaq c'est sahih ou c'est da'if? C'est da'if, puisque la chaîne elle n'est pas complète. Donc quand on dit le sahih de l'imam al-Bukhari est complet tout entier, on parle bien des hadiths qui sont, dont la chaîne est ininterrompue. Quant aux mu'allaqat, elles ont un autre jugement. Les hadiths mu'allaq, ils ont un autre jugement. Certains d'entre eux, de ces hadiths mu'allaq, l'imam al-Bukhari les cite dans son sahih de façon normale, entre guillemets. Musnadan, mausulan. Mausul, c'est-à-dire la chaîne, elle est ininterrompue de lui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parfois, quand il a déjà cité le hadith avec sa chaîne, il va le répéter, mais sans la chaîne, mu'allaq. Donc ce genre de hadith, il n'y a pas de problème, puisqu'il est déjà cité avec la chaîne. Donc celui-là, on sait qu'il est sahih. Mais il y a quelques hadiths qu'il a cités que de façon mu'allaq. Donc le problème, il est là, parce que normalement, le mu'allaq, il est da'if. Donc les savants, ils ont étudié les mu'allaqat de l'imam al-Bukhari. Et certains savants, ils ont écrit des livres spécialement sur ça, comme l'imam Ibn Hajar, At-Tagliq, et son livre At-Tagliq, c'est sur les mu'allaqat de l'imam al-Bukhari, où il a étudié les différentes, tous les hadiths mu'allaq, il les a étudiés. Et en fait, il s'est rendu compte que tous, ils existent mausoul, c'est-à-dire ininterrompus, mais dans d'autres livres. Donc il s'est rendu compte qu'en fait les mu'allaqat, quand l'imam al-Bukhari il les expose, on appelle ça bisirat al-jazm, en les affirmant, par exemple il dit qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont authentiques dans d'autres livres, c'est-à-dire leur chaîne elle existe dans d'autres livres et ce sont des hadiths sahih. Simplement parfois ils sont sahih mais pas au point de mériter d'être dans le sahih d'al-Bukhari, ils n'arrivent pas à sa condition, donc il les a pas mis. C'est pour ça qu'il ne les a pas mis de façon complète. Mais comme le hadith il est important, il l'a quand même mis. Et il a enlevé la chaîne pour dire d'attirer notre attention. Attention, ce hadith, certes il est authentique, je vous le montre, mais sachez qu'il n'est pas comme les autres hadiths que je vous rapporte. Il n'est pas au niveau des hadiths de mon sahih. Donc imaginez-vous le travail, imaginez-vous le fiqh qu'il y a derrière tout ça. Et après, il y a d'autres hadiths dans les mu'allaqat qu'il ramène ce qu'on appelle avec sirat al-tamrid. Il dit au passif, au lieu de dire le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit on a dit du prophète. Il a été rapporté du prophète. Il a été mentionné du prophète. Et ceux-là, certains sont authentiques et certains ne sont pas authentiques. C'est pour ça qu'il dit on a rapporté du prophète. Donc même dans sirat à la formule, il met une différence pour attirer l'attention sur le degré d'authenticité du hadith. Donc les mu'allaqat, il y en a quelques centaines, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas les chiffres par cœur, mais ça tourne dans les centaines, dans Sahih al-Bukhari. Ensuite aussi, il y a des hadiths que l'imam al-Bukhari auxquels il a fait allusion seulement. Et parfois, il y fait allusion en tant que titre de chapitre. C'est-à-dire que parfois, l'imam al-Bukhari y met un titre de chapitre, et en fait, ce titre, c'est un hadith. C'est une phrase du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui existe dans d'autres livres avec des chaînes de transmission. Mais il n'a pas voulu le mettre dans son livre parce qu'il n'est pas au point, aux conditions, il n'atteint pas les conditions pour être dans son livre. Mais il est fait allusion par un titre de chapitre. Alors qu'en vérité, c'est un hadith. Pourquoi ? Parce que ce hadith, il t'aide à comprendre le hadith qui suit. Et il te ramène du fiqh, de la compréhension. Donc là, on voit qu'en vérité, son travail, c'est un travail d'architecte. Il y a des hadiths qui sont les hadiths de base, qui sont tous sahih, qui sont les bases du livre. Et il les a complétés avec des hadiths, mais qu'il a bien différenciés pour montrer qu'ils ne sont pas aux conditions de son livre. Et le nombre de hadiths, on avait dit, il tourne entre 2000 et 3000 dans Sahih al-Bukhari. Mais si tu regardes, tu lis le livre, tu vas trouver, c'est écrit 7500 à peu près à la fin. 7700, un peu plus de 7500 à la fin de Sahih al-Bukhari. Donc, d'où il vient cette différence ? C'est qu'en fait l'imam al-Bukhari, comme beaucoup des savants dans leur livre, il répète le hadith plusieurs fois. Donc il le met une fois ici et il le met dans un autre chapitre. Pourquoi ? Parce que ce hadith, t'en as besoin pour comprendre tel domaine et t'en as besoin pour comprendre un autre domaine. Comme le premier hadith du Sahih qui est Innama al-a'malu bin-niyyat. Il l'a répété plusieurs fois dans le Sahih parce que ce hadith concerne plusieurs sujets. Mais Ibn Hajar, il l'explique. Donc c'est vrai que, je fais une parenthèse, c'est vrai que ces domaines-là, normalement, c'est pas des domaines, c'est des domaines, c'est un peu, c'est pas, je vais pas dire que c'est poussé, c'est facile à comprendre. Il n'y a rien de sorcier. Mais c'est pas les bases qu'on doit étudier. Mais comme on était dans, c'est-à-dire je me justifie, comme on était dans la biographie de l'imam al-Bukhari, et qu'on n'avait pas pu terminer la fois dernière, et que ce qui reste, ça ne suffit pas pour qu'on fasse un cours complet, c'est pour ça que je vous rajoute des informations. Et comme ça, en fait, le fait de vous dire ces choses-là, j'espère que ça va aussi éveiller l'envie d'étudier. Parce que le fait d'entendre ces choses-là, souvent ça donne la motivation. Parce qu'on voit qu'en fait, on ne connaît rien. Et on voit le travail qu'ils ont accompli les imams, et on a envie d'en découvrir encore plus. Donc c'est pour ça que je vous le dis quand même. Même si à la base, c'est sûr que ces choses, elles sont destinées aux étudiants. Même pas à moi-même, mais aux vrais étudiants en sciences religieuses. Mais bon, alhamdoulilah, ça reste, au moins on saura ce qui est l'imam al-Bukhari et qu'est-ce que c'est que Sahih al-Bukhari plus ou moins, inshallah ta'ala. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, l'imam al-Bukhari, il répète ses hadiths dans le Sahih. Mais même dans ça, il y a une faïda. Il répète jamais un hadith pour rien. Vous allez me dire, ouais, tu viens de nous le dire. Il répète parce que dans l'autre chapitre, on en a besoin aussi. C'est pas seulement au niveau du sens, mais même au niveau des sciences du hadith, tout ce qui concerne l'isned, il y a une faïda. C'est-à-dire que quand il dit un hadith et il le répète, il va le rapporter avec une autre chaîne de transmission. Donc il rajoute à l'authenticité et il rajoute al-fa'ida, al-ifada. C'est-à-dire il bénéficie ou il rajoute du profit à l'étudiant en hadith. Parce qu'il va voir que le hadith il a une chaîne, mais en fait il en a aussi une autre. Ce qui renforce et qui complète les connaissances de l'étudiant à propos de ce hadith. Et quand il n'a pas une autre chaîne de transmission qui serait au niveau de son livre, à votre avis, il le rapporte comment après ? Suspendu, mu'allaq. Parce qu'il n'a pas une autre chaîne qui est au niveau de son livre. Alors il le répète, mais simplement mu'allaq, c'est-à-dire sans le début ou sans la chaîne de transmission. Donc même dans la façon dont il a répété les hadiths, il y a une science derrière. Il ne l'a pas fait n'importe comment. Il l'a fait de façon très élaborée. Et en fait, le Sahih al-Bukhari, c'est un livre qui est rempli de secrets. Dans les titres des chapitres, dans la composition, dans comment il les a enchaînés, etc., etc. Pour vous dire un exemple, dans le peu que je connais dans ça, quand il a cité Innamal a'malu binniyat, le premier hadith, il le ramène de son cheikh qui s'appelle Abu Bakr al-Humaydi. Et Ibn Hajar, dans l'explication, il a dit pourquoi il a fait ça. C'est parce qu'al-Humaydi, c'était un cheikh c'est un Qurashi. C'est-à-dire, c'est un arabe de son ascendance, il est de la tribu de Quraysh. Et en fait, il a fait ça parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qaddimu Quraishan. Mettez Quraysh en avant. Alors, son premier sahih, il le ramène son premier hadith, il le ramène d'un Quraysh. Et le deuxième hadith qu'il met après, il le ramène avec un isned des gens de Médine. Il fait suivre Mecca par Médine. Mais quand on le lit comme ça, ça n'a rien à voir. Lui, il parle, les hadiths, ils ont un autre sujet. Ça parle ni de Mecca ni de Médine. Ça parle de la révélation, etc. Mais ce sont des subtilités qu'il a mis dans son sahih de cette façon. Donc plus ou moins, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur le sahih. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la communauté est unanime sur le fait qu'il est authentique. Qu'en fait, c'est pas simplement une compilation de hadiths, mais c'est à la fois un livre, un jami'a. Donc les sujets des hadiths englobent toute la religion, pas seulement le fiqh, et en plus c'est un livre de fiqh, c'est-à-dire c'est un livre qui sert à être lu, étudié et appliqué, parce que les chapitres donnent des explications à ces hadiths. Ensuite, on a vu le nombre de ces hadiths, l'authenticité, et aussi le fait que des fois ils répètent des hadiths, mais pour un bénéfice, pas pour rien. On peut parler aussi de la différence entre Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc parmi les différences entre Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, déjà il y a plus de hadiths que dans Sahih al-Bukhari. Mais beaucoup des hadiths qui sont dans Sahih Muslim, ils sont déjà dans Sahih al-Bukhari. Ensuite, Sahih Muslim, c'est également un jami', dans le sens où il englobe tous les chapitres de la religion, et pas seulement les chapitres du fiqh, de la jurisprudence, mais tous les chapitres, al-Iman, al-Ilm, al-Sunnah, al-Tawhid, etc., etc. Mais la grande différence entre le Sahih de l'imam Muslim et le Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est comment il l'a composé et confectionné. On a vu que l'imam al-Bukhari, lui, il s'est surtout concentré sur le fiqh, le ilm qu'on peut retirer des hadiths, et l'organisation, l'enchaînement des hadiths. Alors que l'imam Muslim, certes, il a organisé son Sahih par grands chapitres. Par exemple, il a commencé par l'Iman. Ensuite, il va parler de tout ce qui concerne la purification, les ablutions, ensuite la salat. Donc, c'est rangé par chapitre. Mais les hadiths, ils ne se répètent que très peu. Il y a très peu de répétitions dans Sahih Muslim. Et quand il met un hadith sur un sujet, généralement, tous les hadiths qui sont sur un même sujet, il va les mettre les uns à côté des autres. Et aussi, quand il met un hadith, il va le répéter plusieurs fois à la suite. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a des chaînes de transmission différentes. Donc il le cite une fois avec un isned, tout de suite après avec un autre isned, tout de suite après avec un autre, etc. Et parfois aussi parce qu'il y a une différence dans ce qu'on appelle al-alfad. Al-alfad, pluriel de lafz, c'est-à-dire les termes du hadith. Comment il est formulé? Parce que des fois, un même hadith peut être formulé de différentes façons. Parce que les rapporteurs du hadith, souvent ils rapportent les hadiths, on appelle ça bil ma'na, la bil laf bil ma'na, c'est-à-dire leur but, c'est de transmettre le sens du hadith. Donc il y a des mots qui peuvent changer entre comment l'imam Malik va le rapporter et comment Ibn Uyayna va le rapporter et comment Soufiane al-Thawri va le rapporter. Le hadith, il ne va pas être le même dans les termes, mais le sens, il est le même. Donc lui, l'imam Muslim, il s'est beaucoup concentré sur les termes du hadith. Et il a choisi les termes, les meilleurs termes. C'est-à-dire, quand le hadith, il a été exprimé en plusieurs termes, lui, il se concentre à te ramener les termes qui sont les mieux dits et les plus complets sur ce hadith. Donc ça, c'est la qualité de l'imam du Sahih de l'imam Muslim. Et aussi, dans le Sahih de l'imam Muslim, il y a très peu de paroles de sahaba ou des tabi'in. Alors que l'imam al-Bukhari, il a mis beaucoup de paroles et de fatawa et de tafsir, c'est-à-dire d'explications qui viennent des sahaba, mais aussi qui viennent des tabi'in dans son sahih. Et souvent, vous voyez, il le met tout de suite après le titre. Il met un titre et il dit par exemple « Qala al-Zuhri » un tabi'i, donc il dit « ou Qala Ata » il cite les fatawa et les explications des tabi'in. L'imam Muslim, il ne fait pas ça. Ou très peu. Il met très peu ce qu'on appelle « al-Mawqufat », c'est-à-dire les paroles des sahaba. Et très peu de mu'allaq. C'est-à-dire pratiquement tout son livre, c'est du hadith « Musnad » ou « Mawsoul ». Le hadith qui est relié ininterrompu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que, ça il le mentionne dans les sources du hadith, certains savants ils ont été jusqu'à préférer Sahih Muslim à Sahih al-Bukhari. Et ça c'était connu chez Al-Maghariba. C'est-à-dire quand on dit Al-Maghariba, bien sûr c'est au sens large, dans le sens d'avant, c'est-à-dire dans le Maghreb. Donc le Maghreb large, qui va de la Tunisie jusque la Mauritanie, etc. Peut-être même la Libye. Donc le Maghreb, le Maghariba, c'est-à-dire les savants de l'ouest de l'Empire musulman, l'Andalousie, etc. Et c'est, chez certains savants du hadith de cette région, il était connu qu'ils préféraient Sahih Muslim à Sahih Bukhari. Mais en fait, les savants, ils ont expliqué ça, non pas dans l'authenticité, mais parce que l'imam Muslim, comme on a dit, il a plus mis des hadiths ininterrompus, et les termes des hadiths, ils sont mieux choisis. Et quand tu cherches un hadith dans Sahih Muslim, tu vas le trouver en un seul endroit répété plusieurs fois. Alors que dans le Bukhari, il va être dit ici, il va être répété plus loin, etc., etc. Mais sinon, les savants, c'est pratiquement un consensus, sont d'accord pour dire que le Sahih de l'imam al-Bukhari est plus authentique que le Sahih de l'imam Muslim. Et ça, déjà, on peut le prouver en disant que le nombre de hadiths sur lesquels certains ont parlé négativement sont moins nombreux dans le Bukhari que dans le Muslim. Les rapporteurs de hadith sur lesquels certains ont parlé négativement sont moins nombreux dans le Bukhari que dans le Muslim. Donc même si ces paroles qui ont été dites sur ces hadiths ou sur ces rapporteurs, ils ne sont pas avérés, mais un livre où il y a moins de paroles négatives, même si ces paroles elles sont pas vraies, c'est toujours mieux qu'un livre où il y en a plus. Donc déjà ça c'est une façon de montrer que le Bukhari il est au-dessus. Et aussi par rapport à le grade de l'imam al-Bukhari. Rien que par l'auteur, le livre il est meilleur que, puisque Muslim, c'est un imam dans les sciences du hadith, un des imams du hadith, mais il est l'élève de l'imam al-Bukhari. Et c'est avec lui qu'il a appris. Et certains savants disaient, Muslim en fait, il a surtout répété les hadiths de Bukhari et il en a rajouté avec d'autres chaînes, ou alors il les répète avec d'autres chaînes de transmission. Donc il s'est beaucoup basé lui-même sur le Sahih al-Bukhari. Donc le Sahih al-Bukhari c'est, comme les savants disent, as-sahhu kitabin ba'd al-Qur'an. Le hadith le plus vrai, le plus authentique après le Coran, c'est le sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah azza wa jal a facilité à écrire cette œuvre qui va rester, inshallah, pour expliquer le Coran, expliquer la religion des musulmans. Ensuite, l'imam al-Bukhari, son sahih, il faut savoir que les savants l'ont beaucoup servi. C'est-à-dire, ils ont beaucoup travaillé sur son sahih. Certains, ils en ont fait ce qu'on appelle al-mustakhrajat. Qu'est-ce que c'est al-mustakhrajat? On appelle ça un mustakhraj. C'est-à-dire un muhaddith qui a vécu après l'imam al-Bukhari. Il prend les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et il essaye de les remettre avec des chaînes de transmission qui ne passent pas par l'imam al-Bukhari. Donc ça peut passer par le shir de l'imam al-Bukhari, mais pas par al-Bukhari. C'est-à-dire, lui, il a vécu après le Bukhari et il a entendu le hadith d'une voix qui ne passe pas par l'imam al-Bukhari. Donc, il répète ce même hadith. Il est dans Sahih al-Bukhari, mais il le répète avec un autre chemin. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc, il va le rapporter comme l'imam al-Bukhari, mais ce n'est pas le Bukhari qui l'a rapporté. Donc, ça, c'est pour montrer. Ça renforce encore plus les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et ils l'ont fait aussi avec Sahih Muslim. Et parfois dans ces mustakharajat, il y a des surplus dans les termes. Il y a des termes en plus dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un bénéfice dedans. Certains savants, ils se sont occupés de le résumé Sahih al-Bukhari. Et ça, il y en a énormément. On peut pas les... Je ne les connais pas tous, j'en connais juste quelques-uns. Mais même à notre époque, par exemple, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait le résumé de Sahih Al-Bukhari. C'est-à-dire qu'il te met, il te compile les hadiths qui sont dans le Sahih, tout simplement, sans répétition. Comme ça, il est plus accessible au commun des musulmans. Parce qu'un livre où il y a 2000 hadiths et qui tient dans un tome, il y a plus de gens qui le liront qu'un livre où il y a 7500 hadiths. En plus, avec des chaînes de transmission où on ne comprend rien du tout, on ne sait pas à quoi ça correspond. Quand la foulaine, pour le commun des musulmans, c'est pas accessible. Il comprend pas, il voit pas le bénéfice. Donc les savants, toujours dans le souci de rapprocher la religion aux musulmans, et ça c'était un des grands soucis de l'imam Al-Albani rahimahullah, comme il le disait, que son projet c'était taqrib sunnah, c'est-à-dire rapprocher, faciliter l'accès à la sunnah, c'est-à-dire au hadith, au commun des musulmans. Donc dans cet esprit, il a écrit Mukhtasar, Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim également. Il y a des savants qui l'ont résumé, c'est-à-dire ils te citent ces hadiths mais sans répétition, ce qui rétrécit beaucoup le livre. Certains savants aussi, pour servir les deux Sahih, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Al-Jami'u Bayna Sahihay, c'est-à-dire ils prennent Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim et ils les réunissent comme un seul livre et sans répétition. Donc ils te mettent, c'est-à-dire qu'à la fin le livre, dedans, tu as tous les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, mais sans répétition. Ce qui équivaut généralement à un peu moins de 4000 hadiths, dans ce que moi j'ai vu. Quand j'en ai vu des livres qui réunissent les deux Sahih, généralement il y a un peu moins de. Ça dépasse les 3000 et ça fait un peu moins de 4000 hadiths. Donc c'est facile pour le commun des musulmans et pour les étudiants et même pour celui qui voudrait les mémoriser. Qui voudrait mémoriser les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Au lieu de prendre Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim qui est trop long, il n'arrivera jamais, il prend Al-Jami' Bayna Sahihay et il l'apprend, puisqu'il n'y a pas de répétition et c'est facile pour lui. Ensuite, bien sûr, les savants, ils ont expliqué Sahih al-Bukhari. Donc des explications, ça on ne peut pas les compter, combien il y a de livres qui servent à expliquer Sahih al-Bukhari, si ce n'est que le plus connu, bien sûr, c'est Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Comme il disait l'imam al-Shawkani, la hijrata ba'd al-fath. Quand des élèves lui ont dit écris-nous un charh de Sahih al-Bukhari, et lui il a dit, vous connaissez le hadith qui dit la hijrata ba'd al-fath, c'est-à-dire il n'y a pas d'émigration après al-fath, la victoire de la Mecque. Et lui il a dit cette phrase, mais lui qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il a dit il n'y a pas besoin d'écrire une explication après Fath al-Bari. Parce qu'Ibn Hajar lui-même, dans Fath al-Bari, en fait, il s'est basé sur énormément de recueils que le gouverneur de son époque, il lui mettait il lui rendait disponible. Il l'aidait, il lui assemblait tout ce qu'il voulait comme livre pour qu'il puisse écrire. Et il l'a écrit en plusieurs décennies. Il a mis plusieurs dizaines d'années pour écrire Fath al-Bari. Et c'est pas pour rien que Fath al-Bari, il est grand, c'est un gros livre. Ça ne se lit pas en une semaine, ça c'est sûr. Donc Fath al-Bari, c'est le charh le plus connu de Sahih al-Bukhari, et en fait il a beaucoup de citations. Lui-même il a cité les paroles des autres commentateurs de Sahih al-Bukhari ou des autres savants parmi les fuqaha ou les savants du hadith dans l'explication des hadiths, l'explication des mots du hadith et aussi le fiqh. Il a ramené les divergences des fuqaha, etc. Et il a mis en introduction à son livre un livre qui est incroyable qui s'appelle Hadyu Sari. En fait, c'est un livre en un volume, c'est celui-là d'ailleurs. C'est un livre qui sert à celui qui va lire Sahih al-Bukhari. C'est pas un livre que tu peux lire, c'est pas un livre qui se lit. C'est un livre de référence. Par exemple, pour vous citer un exemple, qu'est-ce qu'il a fait dedans? Il a mis un chapitre avec tout ce qu'on appelle al-gharib. C'est quoi qu'on appelle al-gharib dans le hadith? Une indécence de al-gharib, c'est-à-dire les mots qui sont difficiles dans les hadiths. Donc lui, par ordre alphabétique, il a relevé tous les mots difficiles qui sont dans Sahih al-Bukhari et il les a mis un par un, par ordre alphabétique, avec leur explication. Ça c'est dans l'introduction. Bien sûr, il le répète dans le commentaire, à chaque fois il le répète. Mais pour celui qui lit Sahih al-Bukhari, il a juste, tout lui a été fait. Il revient, il lit par ordre alphabétique, il cherche le mot et Ibn Hajar lui a mis la définition. Il a mis par exemple Bayan al-Muhmal, c'est-à-dire parfois l'imam al-Bukhari, comme tous les savants du hadith, quand il cite un rapporteur, il dit juste son prénom. Il dit par exemple An Muhammad. Mais la personne du commun, ou le petit étudiant, il ne sait pas c'est qui ce Muhammad. Ou alors il dit An Hamad, An Soufiane. C'est qui Soufiane? C'est qui Hamad? Parce qu'en fait, pour eux, à l'époque, c'était tellement évident que, à force de répéter les hadiths, ils ne se fatiguaient plus à rajouter le nom du père, etc., ou de la tribu. Ils disaient simplement son prénom, parce que les élèves, ils étaient habitués. Mais ça pose un problème pour celui qui vient après. Donc Ibn Hajar, il a mis tous ces Muhammad, tous ces bonhommes dont il a cité que le prénom, il te dit dans tel hadith, quand il l'a dit, c'était un tel. Dans tel hadith, quand il dit un tel selon un tel, il veut dire un tel. Et il dit son nom complet et qui c'est, etc., etc. Parfois, c'est avec aussi El Kounia. Dans la chaîne de transmission, il va dire par exemple An Abi. Bon, là j'invente. An Abi Muhammad, par exemple. Mais c'est qui Abu Muhammad? On ne sait pas. Abu Muhammad, c'est une Kounia. C'est qui son prénom? C'est qui son père? C'est quel Muhaddith? Donc lui, il t'a mis ça aussi. Quand il dit Abu Fulen, ça veut dire un tel. Etc., etc. Après, il a mis aussi un chapitre sur Al-Mu'allaqat. Donc il a mis chaque hadith Mu'allaq, les hadiths suspendus entre guillemets, il te dit dans quel livre tu les trouveras avec une chaîne ininterrompue. Mais en dehors, il a écrit un livre complet sur ça, où il a relevé chaque hadith Mu'allaq qui est dans Sahih al-Bukhari, et il te montre dans d'autres livres comment il est rapporté de façon ininterrompue et authentique. Et parfois pas authentique, comme on l'a vu. Il a mis aussi, un par un, tous les hadiths qui ont été critiqués dans Sahih al-Bukhari. Parce qu'on a dit que certains savants du hadith, ils ont discuté certains hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari. Et le plus connu d'entre eux, c'est l'imam, l'amir al-mu'minin fil hadith, al-Darqutni, qui est un grand, grand imam du hadith, mais qui est venu bien après l'imam al-Bukhari. Et il a discuté sur certains hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim. Ibn Hajar, dans son introduction, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le travail. Et aussi comment ils ont facilité aux gens qui sont venus après. Il a pris ces hadiths un par un. Il a dit, voilà ceux qui l'ont discuté, qu'est-ce qu'ils lui reprochent à ce hadith. Par exemple, dans sa chaîne de transmission, il y a un tel, etc. Et voilà la réponse. Et il t'explique la réponse. Après, il a mis également les hommes, les rapporteurs qui ont été critiqués, qui sont dans Sahih al-Bukhari. Et c'est la même chose. Un tel fils d'un tel. Un tel a dit de lui, da'if. Et lui te ramène la réponse. Pourquoi il n'est pas da'if? Et il ramène, etc., etc. Tout ça, il l'a mis dans un volume, en introduction à Fath al-Bari. Donc les savants, bien sûr, ils ont donné une grande importance à Sahih al-Bukhari, et notamment dans Al-Sharh, dans l'explication. Et l'explication la plus connue, c'est celle de Ibn Hajar, qui s'appelle Fath al-Bari. Les savants, ils ont également donné beaucoup d'importance à Sahih al-Bukhari et à Sahih Muslim, mais également aux autres livres les plus connus de hadith et les principaux, en écrivant ce qu'on appelle Kutub al-Rijal, c'est-à-dire des livres qui sont consacrés aux rapporteurs qu'on trouve dans ces livres. Parce que, comme on a dit, l'imam Bukhari, quand on ouvre le Sahih, on trouve des chaînes de transmission. Ces chaînes, elles sont composées d'hommes, c'est-à-dire de rapporteurs, avec des noms. Donc certains savants ont répertorié tous ces hommes qui sont cités dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, et ils les ont mis dans des livres. Et le premier qui a fait ça, c'est le livre Al-Kamal fi Asma'ir Rijal de Al-Hafidh Al-Mizzi, rahimahullah ta'ala. Ou plutôt de Abdel Ghani Al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Donc c'est un gros livre où il te met chaque rapporteur, qui il était, son ascendance, où il est né, quand est-ce qu'il est mort, etc. Et qu'est-ce que les savants ont dit de lui, avec les détails, avec les preuves. Par exemple, ils disent voilà, dans tel hadith il s'est trompé, et ils te ramènent le hadith avec l'explication, etc. Et d'autres savants par la suite sont venus alimenter ce travail, ils ont résumé ce livre, ils lui ont rajouté des choses, etc., etc. Donc ça, c'est la façon plus ou moins dont les savants ont servi et ont travaillé Sahih al-Bukhari et les autres livres de Sunna. Donc là, il y a de quoi faire un vrai cours maintenant. On continue, on va faire une heure, Inch'Allah. Ensuite, il a dit ذِكْرُ مَا وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذُّهَلِ فِي مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ وَمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمِحْنَ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَبَرَاءَتُهُ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. Donc ce chapitre, il est consacré à ce qu'il s'est passé entre guillemets, le conflit qu'il y a eu entre l'imam al-Bukhari et un de ses chouyours, un des savants du hadith qui s'appelle Muhammad ibn Yahya al-Zuhali, dans la question qu'on appelle Mas'alatul Lafz. C'est quoi Mas'alatul Lafz? On sait que al-Jahmiya, donc qui sont min ahl al-Bida', parmi les gens de l'innovation, et aussi al-Mu'tazila, disaient à l'époque al-Qur'anu makhluq, le Coran est créé. C'est-à-dire que pour eux, le Coran, c'est une création d'Allah. Ce n'est pas la parole d'Allah. Donc ça, c'était les gens d'innovation parmi les Jahmiya et les Mu'tazila qui disaient ça à l'époque même des salafs de Ahlul Hadith. Et les salafs, bien sûr, leur ont répondu. Comme l'imam Ahmed est le plus connu parmi ceux qui leur ont répondu dans cette question, c'est bien sûr l'imam Ahmed. Puisque lui, il a été jusqu'à se faire torturer et emprisonner parce qu'il les a combattus. Parce que le calife de son époque, Al-Ma'mun Al-Abbasi, il était de mèche avec les Mu'tazila, avec les gens de l'innovation, qui disaient que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais c'est une création. On ne va pas rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Le principal à savoir, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé et a dit le Coran. Tout simplement. Et l'a révélé, il l'a dit à Jibril qu'il a révélé et transmis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous l'ordre d'Allah, tout simplement. Eux, ils ont philosophé, ils ont dit non, Allah ne peut pas parler, donc le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est une création, c'est autre chose, etc. Donc ça fait une bataille entre eux, Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah, Al-Salaf, Ahlul Athar, et de l'autre côté Ahlul Bida', Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Ahlul Ahwa, etc. Donc d'un côté, les gens de la sunna, les gens qui suivent les salafs, les gens qui suivent le hadith, et de l'autre côté, les gens qui suivent les passions, les gens qui suivent la bid'a, etc. Donc ça, c'était un conflit intellectuel entre les gens de la vérité et les gens du faux, à l'époque des salafs. Et une des innovations, donc leurs innovations, elles ont évolué. Et une de leurs innovations consistait à dire « Lafzi bil Qur'ani makhluq ». C'est plus vicieux. Lafzi, c'est-à-dire ma prononciation, bil Qur'an makhluq. Au lieu de dire al Qur'an makhluq, le Coran est créé, certains, pour échapper à Ahlul Hadith, et parce qu'en vérité ils étaient quand même d'accord avec les Jahmiyyah, mais pour être tranquille avec Ahlul Hadith, ils essayaient de déguiser leur expression. Et ils disaient lafzi bil Qur'an makhluq. Ma prononciation du Coran est créée. Mais même cette traduction, elle n'est pas bonne. Parce que, en fait, lafzi, quand tu dis lafzi, ça peut vouloir dire ce que je prononce, et ça peut vouloir dire ma prononciation, mon acte. Donc, ça laissait supposer de quoi il parle quand il dit créer. Est-ce qu'il parle de son acte, qu'il est créé, et ça c'est vrai, ou est-ce qu'il parle de la parole qu'il est en train de dire? Et la parole qu'il est en train de dire, c'est le Coran, c'est pas créé. Donc, comme cette parole, elle est ambiguë, elle peut vouloir dire du faux, elle peut vouloir dire du vrai. L'imam Ahmed disait que celui qui dit ça, c'est un jahmi ou un mubtadi'. Celui qui dit lafzi bil Qur'an makhluq, fa huwa mubtadi'. C'est un mubtadi'. Donc ça, c'était connu chez Ahlul Hadith. Il ne faut pas dire ma prononciation du Coran est créée, lafzi bil Qur'an makhluq. Donc on appelle ça mas'alatul lafz. Pourquoi? Parce que ça peut vouloir dire, tu peux vouloir désigner par là le Coran lui-même, et non pas le fait que tu le prononces, parce que ton acte, il est créé, mais cette parole que tu lis, ce n'est pas créé, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme il disait ensuite, la lecture c'est la tienne, la prononciation c'est la tienne, la voix c'est la tienne, mais la parole c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. Quand tu dis qul huwa Allahu ahad, certes c'est moi qui l'ai prononcé, c'est ma voix, mais la parole c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. Donc si tu dis lafzi bil Qur'an makhluq, c'est ambigu. Ça, c'est, je vous explique ça avant qu'on rentre dans cette histoire. Donc il a dit قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه قدم البخاري نيسابور سنة 50 و200 فأقام بها مدة يحدث على الدوام. Donc الحاكم, donc le grand Imam al-Hakim rahimahullah, disait que al-Bukhari est venu dans la ville de Naysabur. En français, ils appellent ça Nishapur, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est en Iran. Géographiquement, c'est en Iran. Donc, c'était une des grandes villes du ilm avant. Donc, Naysabur. En français, ils disent Nishapur ou Nishapur, je ne sais plus exactement. Donc, il est arrivé dans cette ville en 250, donc vers la fin de sa vie. Et il est resté un temps dans cette ville et il dictait les hadiths de façon continuelle. Tous les jours, il avait des assises où il dictait les hadiths. فسمعت محمد بن حامد البزار يقول سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه قال فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فتكلم فيه بعد ذلك. Donc certains ont dit, donc l'imam al-Hakim rapporte avec un isnad que l'imam al-Bukhari, donc quand il est arrivé à Naysabur, dans la ville de Naysabur, qui était présent? Muhammad ibn Yahya al-Zuhali, un des imams du hadith et un des chouyours de l'imam al-Bukhari. Quand il est arrivé, l'imam al-Zuhali disait aux gens: allez vers cet homme, ce savant et cet homme vertueux, et prenez la science de lui. Donc quand al-Bukhari est arrivé, al-Zuhali le respectait et il a dit aux gens: allez chez lui. Et c'est al-Zuhali lui-même, c'est lui dont on a raconté l'histoire tout à l'heure quand ils étaient dans le convoi funéraire. Et il lui posait des questions sur les défauts du hadith et sur les rapporteurs. Et il lui répondait comme s'il récitait « Qulhu Allahu Ahad ». C'est cet homme-là. Donc il disait aux gens: allez chez l'imam al-Bukhari. Et celui qui rapporte l'histoire, il dit: jusqu'à ce que les assises de Muhammad ibn Yahya, elles ont commencé à se vider. Et là, il s'est mis à parler contre l'imam al-Bukhari. Donc ça, c'est en tout cas ce qu'il dit, ou l'interprétation d'un des rapporteurs de cette histoire. وقال حاتم ابن أحمد بن محمود سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. Donc là, c'est un rapporteur qui raconte ce que l'imam muslim lui-même lui a rapporté. C'est lui qui raconte l'histoire, l'imam muslim. Il dit: quand l'imam al-Bukhari est arrivé à Naysabur, et l'imam muslim, c'est quoi son, quand on dit sa ville, il est à Naysaburi, c'est sa ville. Il dit: j'ai jamais vu les gens de Naysabur accueillir quelqu'un comme ça, ni un gouverneur, ni les gens. Ils l'ont accueilli de trois marahil. Marahil, c'était à l'époque les étapes dans les voyages. C'était des étapes avec des distances régulières. Il dit: ils l'ont accueilli, ils sont sortis trois étapes au-delà de la ville pour l'accueillir déjà. Et l'eau honorée, etc. etc. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبل محمد بن يحيى وعمة علماء نيسابور. Donc il dit, ça c'est toujours Muslim qui raconte. Quand l'imam Bukhari est venu, il allait venir, al-Zuhali, donc retenez bien son nom, al-Zuhali. C'est celui avec qui l'imam Bukhari a eu le conflit, Muhammad ibn Yahya al-Zuhali. Il a dit aux gens, à ses élèves: demain Muhammad ibn Ismail al-Bukhari va venir, celui qui veut sortir pour l'accueillir, qu'il y aille, et moi je vais y aller. Lui-même, il faisait partie de ceux qui sont sortis pour l'honorer. Et donc Muslim il raconte, il dit: la plupart des gens et tous les savants, ils sont sortis pour accueillir l'imam al-Bukhari. فدخل البلد فنزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن يحيى لا تسأله عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجي بخراسان. Ensuite Muslim il dit, donc al-Bukhari il est resté dans dar al-Bukhariyin. Donc quand il dit dar al-Bukhariyin, personnellement, je ne sais pas s'il vise par là une maison précise ou un quartier, mais il veut dire il était chez des gens de son origine, des gens de la ville de Bukhara. Et Muhammad ibn Yahya a dit aux gens: ne le questionnez pas sur Al-Kalam. Al-Kalam, c'est-à-dire la théologie, la spéculation, etc. Tout ce qui tourne autour du Tawhid. Mais Al-Kalam, c'est dans le sens mauvais, la théologie, dans le sens la philosophie, etc. Car s'il vous répond contrairement à notre opinion, et ça va faire un conflit entre nous, et tous les Rafida, les Jahmiya et les Murji'a qui sont dans la région, ils vont être contents de ça. Donc ne lui posez pas de questions, de peur qu'ils disent le contraire de ce que nous on dit. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. Ensuite il dit donc, les gens ils s'affoulaient chez l'imam al-Bukhari pour écouter ces hadiths. La maison elle était remplie et le toit aussi, tout était rempli. Et il dit, le deuxième jour il est passé, le troisième jour, et il y a un homme qui s'est levé dans l'assise et il lui a posé la question sur Al-Lafz, la question que je vous ai dit au début, c'est-à-dire la prononciation du Coran, créé, pas créé, etc. Donc il lui a dit, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu dis sur Al-Lafz bil Qur'an? Et l'imam al-Bukhari il a répondu Af'aluna makhluqa. Il a dit nos actes sont créés, ça c'est la doctrine de Ahl Sunnah wal Jama'a, et notre prononciation fait partie de nos actes. Il a répondu ça. فقال فوقع بين الناس اختلاف فقال بعضهم قال لفظ بالقرآن مخلوق وقال بعضهم لم يقل فوقع بينهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض قال فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم. Donc les gens ils se tournaient les uns vers les autres et ils ont dit Akhas il a dit lafzi bil Qur'an makhluq. L'autre il disait non, il a pas dit lafzi bil Qur'an makhluq. C'est-à-dire sa parole, il y en a qui l'ont compris comme étant lafzi bil Qur'an makhluq, ce qu'il faut pas dire, et les autres ils ont dit non, il a pas dit ça. Jusqu'à ce qu'ils se sont levés les uns contre les autres et ça a fait du grabuge. Donc les propriétaires de la maison, ils les ont expulsés, ils leur ont dit de sortir. Wa qala Abu Ahmad ibn Adi. Donc là c'est pour comment l'histoire a commencé. وقال أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا. Donc là c'est un autre muhadith, Ahmed ibn Adi. Il dit, plusieurs de mes shuyukh m'ont raconté que Al-Bukhari, quand il est arrivé dans la ville de Naysabur, les gens se sont réunis autour de lui et certains shuyukh de la ville ont commencé à être envieux et à le jalouser. Et ils ont dit aux gens du hadith, il dit lafzi bil Qur'an makhluq. Donc quand une fois il était dans son assise, un homme s'est levé et il lui a dit ô Abu Abdillah, qu'est-ce que tu dis sur la prononciation du Coran, est-ce qu'elle est créée ou incréée? Et le Bukhari, il s'est détourné, il n'a pas voulu lui répondre trois fois. فَلَمْ يُجِبُهُ ثَلَاثًا فَلَحَّ عَلَيْهِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ وَالِامْتِحَانُ بِدْعَةٌ فَشَغَبَ الرَّجُلُ وَقَالَ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ. Donc l'imam al-Bukhari, il lui a répondu. Au bout de trois fois, l'homme il a insisté. Il lui a dit, le Coran est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et nos actes sont créés. C'est la doctrine de Ahlul Hadith. Et il lui a rajouté aussi, وَلِمْتِحَانُ bid'a. C'est-à-dire, et le fait de tester les gens comme tu le fais, c'est une bid'a, c'est une innovation. Donc c'est là que l'homme il l'a mal pris, et il a commencé à perturber les gens et à dire, il a dit, لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٍ. Il a dit ce qu'il ne faut pas dire, la bid'a. وقال أبو حامد بن الشرقي سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن زعم لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه وقال الحاكم ولما وقع. Donc on s'arrête là. Un autre rapporteur rapporte que Al-Zuhali, il disait aux gens, celui qui dit le Coran est créé, il disait le Coran est la parole d'Allah et n'est pas une création. Et celui qui prétend lafzi bil Qur'ani makhluq, c'est-à-dire quand je prononce le Coran, c'est créé, celui-là est un mubtadi', c'est un innovateur. Il ne faut pas s'asseoir avec lui et il ne faut pas lui parler. Donc ça c'est ce que disait aussi l'imam Ahmed et ce que disent les gens du hadith. Il ne faut pas s'asseoir avec lui, il ne faut pas lui parler. Et après il disait, et celui qui va chez Mohammed ibn Ismail, alors prenez garde à lui. À celui seulement qui va chez Al-Bukhari. Parce que s'il s'assoit avec lui, c'est qu'il a la même opinion que lui. Donc Al-Bukhari, c'est-à-dire qu'à un moment, il mettait en garde de façon nette contre Al-Bukhari. Et il disait aux gens de ne pas s'asseoir chez Al-Bukhari. وقال الحاكم ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة قال الذهلي ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر جمال et il rapporte aussi toujours al-Hakim il dit que un jour l'imam al-Dhuhali il a dit aux gens, c'est-à-dire quand il parlait, quand il y a eu ce conflit entre l'imam al-Bukhari et al-Dhuhali dans cette question, les gens ils ont délaissé l'imam al-Bukhari, plus personne n'allait chez lui sauf deux personnes, l'imam Muslim et Ahmed ibn Salama, c'était les deux seuls qui continuaient à aller chez l'imam al-Bukhari. Et al-Dhuhali il a dit, celui qui dit al-lafz, c'est-à-dire cette innovation, je lui interdis de s'asseoir dans mon assise. Attendez, je relis en arabe. Donc il dit, je lui interdis de s'asseoir dans mon assise. Ce que j'avais lu dans une autre version, c'est en fait, il dit, celui qui s'assoit chez le Bukhari, je lui interdis de s'asseoir dans mon assise. Et quand il a dit ça, donc l'assise était remplie d'étudiants, l'imam Muslim il s'est levé devant tout le monde et il est parti. C'est-à-dire il n'a pas eu honte, il n'a pas craint le blâme des gens, subhanallah, pour défendre son cheikh l'imam al-Bukhari. Et il s'est levé devant tout le monde et il est parti. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé tous ses manuscrits dans lesquels il avait écrit les hadiths de la bouche qu'il avait récolté de Mohammed al-Dhuhali et il lui a renvoyé sur un dos de chameau. C'est-à-dire il lui a renvoyé. C'est comme si maintenant je lui envoie par je lui envoie quelqu'un, il le ramène, etc. Et il lui a tout renvoyé. Donc subhanallah, il a eu l'insaf. C'est-à-dire il a été juste et il n'a pas craint ce que les gens allaient dire, subhanallah. وسمعتُ وقال أحمد بن سلمة دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى قال فقبض على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طالبا للرياسة وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير ثم قال لي يا أحمد إني خارج غدا لتخلصوا من حديثه لأجلي. Donc Ahmed ibn Salama, l'autre qui continue à aller chez le Bukhari, il raconte, il dit, je suis allé chez le Bukhari et je lui ai dit, cet homme, il parle de l'autre cheikh al-Dhuhali, il dit, cet homme c'est quelqu'un que les gens aiment dans cette région et surtout dans cette ville, et il s'est entêté dans cette histoire au point où on ne peut plus lui en parler. C'est-à-dire, il dit, on ne peut plus, khalas, il met en garde contre toi, il dit qu'il ne faut pas aller chez toi, et on n'arrive pas à le raisonner dans cette question. Et les gens, ils l'écoutent. C'est quelqu'un que les gens écoutent. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu en penses? Et il dit, l'imam al-Bukhari, il a attrapé sa barbe, donc il était pensif, et il lui a dit, donc attendez, il faut que je retrouve le morceau, et il lui a dit, je remets mon affaire entre les mains d'Allah. Et Allah connaît ses serviteurs. Ensuite, il a fait une dua. Il a dit, oh Allah, tu sais que je ne suis pas venu dans cette ville par orgueil, ni pour être le chef. Mais simplement, je n'ai pas voulu retourner dans mon pays, c'est-à-dire Bukhara, parce qu'il y a beaucoup de gens contre moi là-bas, c'est-à-dire les gens de l'innovation. Il y a beaucoup d'ennemis là-bas. C'est juste pour ça que je suis venu ici. Ensuite, il a dit, et cet homme, il me vise par jalousie à cause de ce qu'Allah m'a donné, c'est-à-dire à cause de la science et la force qu'Allah lui a donnée dans la science du hadith. Et il a dit, là, c'est pas pour autre chose qu'il me vise, c'est parce qu'il est jaloux de ce qu'Allah m'a donné. Et ensuite, il a dit à Ahmed, il a dit, oh Ahmed, demain, je vais sortir d'ici, comme ça vous serez tranquille vis-à-vis de cet homme. C'est-à-dire, vous aurez plus de problème dans cette histoire. وقال أبو عمرو أحمد بن نصر عن نيسابور الخفاف بن نيسابور كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا فقال ليس إلا ما أقول لك قال أبو عمرو فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه فقلت يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق فقال يا أبا عمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. Donc là, un autre muhaddith, Abu Amr Ahmed ibn Nasr al-Naysabouri, il rapporte, il dit qu'une fois il était avec Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, c'est un des imams du hadith et de la science. Et c'était un des grands élèves de l'imam Ahmed. Et une des têtes de la Sunna, une des références de la Sunna. Et il lui a dit, et ils ont commencé à parler de l'imam al-Bukhari dans l'assise de Muhammad ibn Nasr. Et il dit, Muhammad ibn Nasr, il dit, moi j'ai entendu le Bukhari dire, celui qui dit que j'ai dit que le Coran est créé ou que l'arzi bil Qur'an est makhlouq, ma prononciation du Coran est créée, c'est un menteur. Car je ne l'ai jamais dit. Et Abu Amr lui a dit, ouais, mais les gens ils parlent beaucoup de cette histoire et ils disent beaucoup de choses. Et Muhammad ibn Nasr lui a dit, il n'y a pas autre chose que ce que je viens de te dire. En fait, pourquoi j'ai choisi de vous lire ce passage? Pour vous dire que les savants, ils ont défendu l'imam al-Bukhari. Et qu'en fait, c'était une tuhuma. Il n'a jamais dit quoi que ce soit qui contredit la aqidah des salafs. Ensuite, il dit lui-même, Abu Amr, celui qui raconte l'histoire, il dit, je suis parti chez al-Bukhari. Et j'ai révisé des hadiths avec lui jusqu'à ce que, hatta tabat nafsu, c'est-à-dire jusqu'à, pour qu'il puisse lui parler d'eux, il a commencé par les hadiths, jusqu'à ce que ça aille entre eux, et là il lui a parlé de cette histoire. Et il lui a dit, oh Abu Abdillah, il y a des gens qui disent que tu as dit, ma prononciation du Coran est créée. Et il lui a dit, écoute-moi Abu Amr, retiens ça, celui qui prétend, des gens de la ville de Nysabou, et telle ville, et il a cité plein de villes, il a cité plein de des régions et des villes, que j'ai dit ça, c'est un kadhab, c'est un menteur, je ne l'ai jamais dit, j'ai simplement dit que nos actes sont créés. Et le fait de dire nos actes sont créés, ça c'est un haqq, c'est la doctrine de Ahlul Hadith. Celui, parmi les arabophones qui veut plus de détails sur cette histoire, il retourne au livre As-Sawa'iq al-Mursala de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Il a bien expliqué cette histoire, ce qui s'est passé avec l'imam al-Bukhari, et il a montré que l'imam al-Bukhari a été innocenté. Et il a même parlé en bien aussi de Muhammad ibn Yahya al-Zuhali rahimahumullah ajma'i. Ensuite il a mis un chapitre, il a dit dhikru tasanifihi wa rawati'an. Dans ce chapitre il a parlé des livres de l'imam al-Bukhari et des rapporteurs, ceux qui ont transmis ces livres. Donc ça nous intéresse peu dans ce genre de cours, parce que c'est qu'une liste de noms, c'est-à-dire ceux qui ont écouté le sahih de lui et qui l'ont retransmis. Et juste ce que je voulais, le passage que j'ai choisi, c'est que certains savants disaient qu'il y a 90 000 personnes qui ont écouté le sahih de la bouche de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc après plusieurs l'ont transmis, mais en tout cas ceux qui l'ont pris de lui, ils étaient au nombre, bien sûr à des époques différentes, ça ne veut pas dire dans la même assise, mais en tout ils étaient au nombre de 90 000 personnes. Ensuite à la fin il a dit dhikru ruju'ihi ila Bukhara وما وقع بينه وبين أميرها وما اتصل بذلك من وفاته. Donc là c'est la fin de la vie de l'imam al-Bukhari, son retour dans sa ville et ce qui s'est passé là-bas avec le gouverneur de la ville. قال بكر بن منير بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن يحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري فإن لم يعجبك فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم قال فكان سبب الوحشة بينهما. Donc à la fin de sa vie, il est rentré dans sa ville natale, Bukhara, donc qui est lointaine, à l'est du monde musulman, dans l'actuel Ouzbékistan. Il est revenu dans sa ville, Bukhara. Et l'émir de la ville s'appelait Khalid ibn Ahmed al-Zuhali, c'est-à-dire le gouverneur de la ville. Et quand l'imam al-Bukhari est revenu, le gouverneur il lui a envoyé quelqu'un, un messager. Et ce messager il lui a dit, l'émir te dit, viens chez moi pour que tu me lises ton sahih et ton livre al-Tarikh. C'est-à-dire, il voulait que l'imam Bukhari vienne chez lui et lui dicte, lui cite, lui récite ses livres de hadith. Et l'imam al-Bukhari, il a dit au messager, il lui a dit, tu lui diras, je ne rabaisse pas la science en l'apportant aux portes des gens du pouvoir. Abu Abbas Salatin. C'est-à-dire, je ne vais pas, cette science que j'ai, je ne vais pas la rabaisser en l'amenant au gouverneur. Et donc s'il a besoin de quelque chose, qu'il vienne dans ma mosquée ou dans ma maison et qu'il l'écoute de moi-même. C'est-à-dire, s'il le veut, c'est pas à la science, c'est pas à moi d'humilier cette science et de la ramener chez lui. C'est à lui de venir dans ma mosquée ou dans ma maison pour écouter. Et si ça ne lui plaît pas, eh ben c'est le gouverneur. Il a qu'à m'empêcher de m'asseoir pour dicter la science aux gens. Comme ça, j'aurai une excuse de ne pas cacher la science devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'a pas voulu lâcher son assise pour aller chez lui. Donc il a dit, donc si vraiment il ne veut pas autre chose, eh ben qu'il m'interdise d'enseigner dans la mosquée. Comme ça, moi, devant Allah, j'aurai une excuse. Parce que moi, c'est ici que j'enseigne. Et celui qui veut la science, il vient la chercher auprès de moi. Et c'est ça qui a créé quelque chose entre lui, une rancune de l'émir Khalid al-Zuhali envers. Et c'est là que les problèmes ont commencé entre lui et l'émir. وقال أبو بكر بن أبي عمرو كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة بن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده فامتنع من ذلك وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. Donc un autre rapporteur il raconte cette histoire, il dit la cause pour laquelle l'imam al-Bukhari il est parti de la ville de Bukhara, c'est que l'émir Khalid, qui était l'émir placé par le calife Ibn Tahir, lui a demandé de venir chez lui pour lui réciter Al-Jami' et Al-Tarikh et pour l'apprendre à ses enfants. Donc l'émir, lui, c'est pas... Imaginez-vous, l'émir, il demande pas quelque chose de mauvais en plus. Il demande qu'il lui enseigne à ses enfants les hadiths. Mais il a dit non. Et il a dit, je ne peux pas me permettre de réserver sa science aux gens, à certaines personnes et pas à d'autres. Donc il a refusé d'y aller. فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه فنفاه عن البلد. Donc Khalid, quand l'imam al-Bukhari il a refusé ça, il a cherché de l'aide auprès d'un homme qui s'appelait Hurayf ibn Abi al-Warqa et d'autres personnes. Et ils ont commencé à répandre des choses sur la croyance de l'imam al-Bukhari, le madhab, c'est-à-dire à l'accuser de certaines choses. Ils ont répandu ça et il l'a fait expulser de la ville. Qala fada'a alayhim faqal Allahumma arihim ma qasaduni bihi fi anfusihim wa awladihim wa ahalihim. Donc l'imam al-Bukhari à ce moment-là il a fait une invocation, il a dit oh Allah, touche-les dans leur personne, leurs enfants et leur famille avec ce que eux ils voulaient contre moi. Donc ensuite il explique et il dit فَأَمَّا خَالِدٌ فَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ حَتَّى وَرَدَ أَمْرُ الطَّاهِرِ بِأَنْ يُنَادَ عَلَيْهِ فنودي عليه وهو على أتان وأشخص على إكاف ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس. Donc le premier là, Khalid, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le calife Ibn Tahir, il a ordonné qu'on l'attrape. Pour quelle raison, ça c'est pas expliqué dans l'histoire. Est-ce que c'est par rapport à Al-Bukhari ou pas? Ça on sait pas. Il a ordonné qu'on l'attrape et il était attaché sur un bâton sur le dos d'un âne. Et c'est-à-dire il a expulsé comme ça, humilié, et après il a fini sa vie dans la prison et l'humiliation. Ça c'est Khalid. وأما حريث بن أبي الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف. Et quant à Hurayth, le deuxième, il a été éprouvé dans sa famille, et le rapporteur il dit, il a subi, sa famille, ils ont subi des choses qu'on peut même pas décrire. وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراه الله فيهم البلايا. Et il dit, et un tel, c'est-à-dire un autre qui était avec eux, Allah il a éprouvé dans ses enfants. Et il a eu des grandes épreuves et il a vu des grands malheurs dans ses enfants. Wa qala ibn Adi sami'tu Abd al-Quddus ibn Abd al-Jabbar yaqul kharaja al-Bukhari ila Kharantak ou Kharantank. Donc là c'est des villes, parfois il n'y a pas les harakat, donc je ne sais pas exactement comment ils se disent. Qaryatin min qura Samarqand wa kana lahu biha aqriba fa nazala 'indahum qala fa sami'tuhu laylatan min al-layali وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك قال فما تم الشهر حتى قبضه الله. Donc ce rapporteur Ibn Adi, il rapporte d'un autre rapporteur que le Bukhari, donc après cette histoire qu'il a eue contre l'émir et il s'est fait expulser de Bukhara, il est parti dans un petit village près de la ville de Samarkand. Donc Samarkand, c'est l'autre grande ville de l'Ouzbékistan jusqu'à maintenant. Donc il s'est réfugié dans un petit village et il y avait des gens de sa famille. Et celui qui raconte l'histoire, il dit, je l'ai entendu un jour, il avait fini ses prières de nuit. Donc on voit que dans toutes ses épreuves, dans toute sa vie, par contre il ne lâche pas. Qiyamul layl, les prières de nuit. Il a fait une dua, il a dit, oh Allah, la terre est devenue serrée pour moi. C'est-à-dire, en gros, j'en ai assez de cette vie. Alors reprends-moi. Et il dit, moins d'un mois après cette dua, il est mort. Rahimahullah. وقال عبد الواحد ابن آدم الطواويسي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت ما وقوفك هنا يا رسول الله قال أنتظر محمد بن إسماعيل قال فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Là c'est un homme qui s'appelle Abdel Wahid ibn Adam al-Tawawisi. Il dit, j'ai vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de ses compagnons et il était debout en train d'attendre. Donc il dit, je lui ai dit le salam et il m'a répondu le salam et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu attends là dans cette place avec tes compagnons? Et il lui a dit, j'attends Muhammad al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Il dit, quelques jours après, j'ai entendu que le Bukhari il était mort. Et quand on m'a dit le jour de sa mort, ça correspondait à la nuit où j'ai fait ce rêve. وقال مهيب بن سليم كان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 56 ومئة. Donc sa mort elle était dans la nuit précédant le jour de l'Aïd en l'an 256. Donc il est mort à un peu moins de 62 ans, rahimahullah ta'ala. Un peu moins de 63 ans. Donc il est né en 194 et il est mort en 256 de l'Hégire et il est mort à 62 ans, à presque 63 ans, rahimahullah ta'ala. Donc ça sera fini pour la biographie de l'imam al-Bukhari, en espérant qu'on en fasse une autre, peut-être une fois par mois, un cours sur quatre, inshallah, ça sera une biographie. Et après le Maghreb, donc on va commencer justement la vie de, pas seulement la vie, mais tout ce qui concerne Abu Bakr as-Siddiq, et ça par contre c'est une série de cours. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه